des gens à Marrakech qui vont tous les jours pour aller plus au nord. Il y a des gens à Dakar qui vont tous les jours pour aller plus au nord. Il y a des gens à Moscou qui vont toujours plus au nord.